Jungle Fever. Qui a dit que l'amour c'était noir et blanc? C'était noir ou blanc? Fever. Fever. Fever. Fever. Fever. Elle vient de la côte pavée, la haute soc toulousaine. La jet set de Gavé qui se moque de la toulousaine. Lui viennent des bas quartiers où l'on se moque à toute heure. Se moque de la police comme des lois que l'on se moque à toute heure. Blonde pleine des bonnes bourges pleines d'or. Sort avec un rap de quartier plein de billets qui mange pas de porc. Ça fait scandale dans les familles de la haute. Papa n'aime pas les picots et les négros sauf dans le sport. Eux ils aiment comme dans les cours de récréation. L'arcade éclatée dans ses bras, il prend de l'affection. Soldat des rues, elle aime le voir avec sa section. Ramer des peines, sortir vainqueur de ses bastons. Elle fut la seule les jours d'hiver au parloir. Quand il tombe à 12 mois un soir où il devait se voir. Elle fut la seule à dire je t'aime dans les lettres. Elle fut l'être le plus sûr quand il pleurait en cachette. Jungle Fever. Dans son corps elle trouve de la chaleur. Jungle Fever. Dans ses bras elle voit les jours meilleurs. Jungle Fever. Quand on s'aime on est de quelle couleur? Jungle Fever. Quand on souffre est-ce la même douleur? Sa peau d'ébène reflète son visage ivoire. Il est blanc, elle est noire. Et beaucoup de frères ne supportent pas de les voir ensemble. Trop souvent leur amour tremble. Quand le soir une bande de types vous manque de leur mettre une trempe. Leur amour est ambitieux pour cette époque. Y'a qu'à voir dans la tête des gens ce que leur amour évoque. Ça parle de ghetto courtisane avec un pigeon. De petits blancs qui manquent de respect à la Black Nation. Mais tout ça c'est archi faux et ils s'en foutent. Les liens qui les unissent sont plus solides qu'une poutre. On parle ici de choses simples, de sentiments simples. Leur choix se situe au-delà des races et des teintes. Pour lui, chaque regard est comme une réflexion. Amoureux certes, mais pour sa mère cette fille est un affront. Elle, elle coule dans un semblant d'intolérance. Papa ne veut pas de semblant dans sa descendance. Jungle Fever. Dans son corps elle trouve de la chaleur. Jungle Fever. Dans ses bras elle voit les jours meilleurs. Jungle Fever. Quand on s'aime on est de quelle couleur? Jungle Fever. Quand on souffre est-ce la même douleur? Ils connaissent les règles, traditions, religions. Mur invisible qui déchire les plus grandes nations. Amour fatal, s'aimer sur un lit de blasphème. Renoncer à leur famille pour pouvoir se dire je t'aime. Il en peut plus d'un père qui fuit son regard. Elle en peut plus d'une mère qui ne veut rien savoir. Pas d'arabe, pas de noir. Peuvent-ils s'aimer quand la famille crée des tensions? C'est Palestine, Jérusalem dans leurs émotions. Les larmes coulent, trop de querelles ces derniers temps. La haine jaillit des volcans pour une poignée de pigments. Le cœur est formé, les méprises brisent le moral. Fin proche, leur relation se fracture comme une cervicale. Trop peu de liberté quand on décide de s'isoler. Hier déjà, toutes deux se regardaient d'un air désolé. L'amour n'a pas de prix, mais le voile a brisé. Un dernier baiser, toutes deux se quittent sans se retourner. Chaleur, Jungle Fever. Dans ses bras, elle voit les jours meilleurs. Jungle Fever. Quand on s'aime, on est de quelle couleur? Jungle Fever. Quand on souffre, est-ce la même douleur?